Ton corps est à l'ombre. Du spleen où je plonge sur ta plage blonde. Quelques gouttes tombent. Que demain m'arrête. Si les larmes fondent, la forêt peut-être. Le cœur qui gronde. J'aimais parfois, ça tue.